إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، donc nous sommes maintenant au septième cours. Et nous avons fini la dernière fois la citation des sept conditions de la parole La ilaha illallah. Et maintenant, nous allons prendre un nouveau petit livre, un nouveau épître, qui sont Adillatu hadhihi shurut min kitabillahi ta'ala wa min sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc les preuves, donc les d'abord je vous dis le je vous traduis le titre de cette petite risala, de ce petit épître, les preuves de ces conditions parmi le livre d'Allah Ta'ala et parmi la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On va juste avant tout se remémorer les cette condition. La première condition, c'est al-ilm. Al-ilm bi-ma'na hanafian wa isbatan. Donc la connaissance de son sens, du sens de cette parole. La ilaha illallah, donc il veut dire la ma'bouda bi-haqqin illallah. Il n'y a pas d'adoré de divinité par droit, sauf Allah. Et le contraire de cette condition, c'est al-jahl, l'ignorance. Al-thani, la deuxième condition, al-yaqin. Al-yaqin, la certitude. Et le contraire de la certitude, donc ce qui annihilie, cette deuxième condition, c'est shak, le doute. Il ne faut pas avoir de doute, il faut avoir la certitude qu'il n'y a pas de divinité par droit, sauf Allah Azza wa Jal. D'accord ? La troisième condition, al-ikhlas, la sincérité dans l'adoration, dans l'application de cette parole. Et ce qui est son contraire, c'est le shirk, que ce soit le grand shirk, akbar, ça rend la personne Mushrik Akbar, donc il va aller en enfer éternellement, il n'est plus musulman, il est kafir, kafir kufr Akbar. Et si c'est le petit shirk, il est toujours musulman. Allah Azza wa Jal pourra le mettre en enfer, mais étant donné que ce n'est pas du grand shirk, il ne restera pas éternellement, donc il est toujours musulman, il n'est pas mécréant, il n'est pas Mushrik Akbar, il reste musulman, mais il fait un péché, mais un grand péché. S'il fait du petit shirk, et qui est notamment, on va l'étudier un peu plus tard, c'est le shirk. Mohammed ibn Abdul Wahhab va nous apprendre, va nous enseigner le shirk et les sortes. Donc on verra. Le principal petit shirk, ce qu'on cite généralement, c'est ce qu'on appelle riya, l'ostentation, c'est-à-dire que prier, c'est-à-dire que la personne va prier pour Allah Azza wa Jal, d'accord, par exemple à la mosquée, il prie pour Allah Azza wa Jal, mais il va parfaire sa prière, il va bien faire sa prière parce que les gens le voient, c'est-à-dire pour les gens. Et ça, c'est le petit shirk. Donc la personne est toujours musulmane, d'accord, il n'y a pas de problème sur ça. Sauf si vraiment il n'adore plus du tout pour Allah, mais vraiment que pour les gens d'un certain nombre de Cheikh Akbar, mais à la base non, c'est seulement pour ce qu'on appelle Al-Riya. Et cela, par contre, sa prière, n'est pas acceptée d'Allah Azza wa Jal. Donc l'acte dans lequel il fait ce petit Cheikh n'est pas accepté par Allah Azza wa Jal, mais il fait un péché. Par contre, les autres bonnes actions qu'il a pu faire avant, ou qu'il fera après, où il n'y a pas de Riya, sont acceptées par Allah Ta'ala, Inch'Allah. La quatrième condition, Rabir, la véracité. Et c'est le contraire de la véracité, c'est le mensonge. Et c'est ça, et donc, comme on avait dit, cela concerne les al-munafiqoun, ceux qui se déclarent musulmans, mais qui sont en fin de compte mécréants. D'accord, qui cachent leur mécréance pour certains buts, comme on verra, Inch'Allah. La cinquième condition, al-mahabba, li hadhihi al-kalima, l'amour pour cette parole, l'amour pour la ilaha illallah. Et ce qui va à l'encontre de l'amour, c'est le fait de détester. Donc celui qui déteste cette parole-là est mécréant, même s'il a la connaissance de son sens, même s'il a la certitude que c'est vrai, même s'il doit faire une adoration, il le fait sincèrement pour Allah Azza wa Jal, même s'il ne cache pas son ifaq, mais si il déteste cette parole ou ce qui s'ensuit, c'est-à-dire que ce soit de la religion d'Allah Azza wa Jal, comme la prière, le jeûne, le djihad, la jizya ou je ne sais quoi autre, tout ce qui concerne la loi d'Allah, la religion, parmi les lois ou parmi la croyance, comme la croyance aux anges, quelqu'un qui déteste les anges ou un ange précis, etc. Cette personne est un kafir. Et sa parole, la ilaha illallah, n'est pas acceptée, elle n'est pas valide, parce qu'il y a une condition qui n'est pas remplie, donc. Sa parole, la ilaha illallah, n'est pas valide. La sixième condition, al-inqiyad. On va traduire, inshallah, par l'obéissance, mais l'obéissance qui est parfaite. C'est l'obéissance notamment du corps, comme l'a bien défini le cheikh Mohammed ibn Wahhab, rahimahullah, quand il a dit al-inqiyadu li huquqiha. Wa hiya, et ma hiya hadhihi al-huquq, wa hiya al-a'mal al-wajiba. Ce sont les actions, les actes qui sont obligatoires. Donc ça, comme on avait dit la dernière fois, pour les murji'a qui disent que l'inqiyad ici c'est l'inqiyad du cœur, l'inqiyad du qalb, c'est l'obéissance du cœur. Non, comme a dit le cheikh Mohammed ibn Wahhab, ce sont les actes qui sont obligatoires. Comme il a dit. La septième condition, al-qaboul. Excusez-moi, j'ai oublié de vous donner le contraire de l'al-qiyad, qui on va généralement dit par le at-tark, le fait de délaisser, donc celui qui délaisse pendant toutes les actions, qui fait aucune bonne action, qui a délaissé, eh bien sa parole, la ilaha illallah, n'est pas acceptée. Septième condition, al-qaboul. Et ça, c'est al-qaboul, c'est l'acceptation. Et ça, par contre, ça rentre, c'est le cœur, c'est l'acceptation du cœur. C'est-à-dire qu'il accepte cette parole, il accepte en lui-même. Et le contraire de Al-Qabul, comme on a vu, c'est Ar-Radd, le fait de le rejeter cette parole. Voilà. Maintenant, avoir précité et cette condition, qu'on trouve notamment dans un vers, dans un vers, qui est Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wa al-qabul laha. Je vous traduis. Ilmun, une science, yaqin, une certitude, wa ikhlasun, et une sincérité, wa sidquka ma'a, et ta véracité avec, mahabbatin, un amour, wa inqiyad, une obéissance, wa al-qabul ilaha, et son acceptation. Et ici, dans ce vers, on se rappelle en arabe, bayt, on trouve les sept conditions qu'on vient de citer, donc il est bien de l'apprendre par cœur, elle est simple. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. Et vous avez les sept conditions qui sont citées dans cette petite phrase qui sort qu'on appelle non pas un shir, parce que là ça concerne une science, et on appelle ça un novum, mais qui prend exactement les mêmes règles du shir. Bon, là je ne vais pas expliquer ça, parce qu'on apprend ça quand on fait la langue arabe, notamment dans le shir, la différence entre le shir et le novum. Mais voilà. Donc, maintenant, nous en lisons, Inch'Allah, ce petit épître. Donc, l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a dit Dalil al-ilm, la preuve de la science, de la connaissance, et de la science, de la connaissance de cette parole. Sa preuve. Quelle est sa preuve? Qawluhu ta'ala, la parole d'Allah ta'ala. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. Excusez-moi, je me suis trompé, j'ai sauté une ligne. Astaghfirullah. Je suis désolé, excusez-moi. Donc je reviens parce que je suis allé pour le prêt, je suis allé directement à la deuxième condition. Donc je reviens en arrière, voilà, toc, d'aller le raïm, la preuve de la science, de la connaissance de cette parole. Qawluhu ta'ala, donc sa parole à lui, ta'ala. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Donc Allah Azza wa Jalla a dit à son prophète, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Alors, sache, et la connaissance, que quoi? أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah. Donc, قَالُهُ, et sa parole, la parole d'Allah Azza wa Jalla, إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Sauf ceux qui ont témoigné par la vérité en sachant, ou à Homir Lamoun dans cet état, dans l'état qu'ils savent, qu'ils connaissent, et qu'ils connaissent quoi? Et comme a dit le cheikh Mohammed ibn Wahhab, rahimahullah, c'est-à-dire bi la ilaha illallah, et qu'ils ont la connaissance de la ilaha illallah. Voilà. Ou à Homir Lamoun, donc cette parole-là d'Allah, ou à Homir Lamoun, mais eux, ils le savent, ils ont la connaissance. Et après le cheikh Mohammed ibn Wahhab, rahimahullah, il dit biquloubihim, ils ont la connaissance par leur cœur, c'est-à-dire que leur cœur savent. le sens de la ilaha illallah, ce que ça veut dire. La ma'bouda bi haqqin illallah. Et bi qulubihim ma nataqu bihi bi arsinatihim. Comme a dit le cheikh Mohammed, ici dans ce livre. Et ils savent. Donc Allah a dit wa hum ya'lamun. Et eux, ils le savent. Et après le cheikh Mohammed, il dit bi qulubihim ma nataqu bihi bi arsinatihim. Ils le savent donc par leur cœur, ce que leur langue ont prononcé. D'accord? Bien sûr, parce qu'il faut bien le prononcer par la langue. Sinon, quelqu'un qui ne prononce pas par la langue, donc qui ne nous dit pas, comme quoi il atteste de la ilaha illallah, il n'est pas musulman. Donc on lui donne le hukm du témoigner par sa langue. Et pour que cela soit accepté par Allah Azzawajal, la première condition, il faut que suive son cœur. D'accord? Sinon, c'est un munafir, quoi. Voilà, donc maintenant je vais prendre la notation. Voilà, et le verset, excusez-moi, en entier, que le verset en entier que le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab a cité, une partie du verset, là, on va voir le verset dans sa totalité. Donc Allah Ta'ala a dit Wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a. Et ceux qu'ils invoquent, donc les mouchrikoun, ils invoquent autre qu'Allah Azzawajal, d'accord? Ils prient, et là je prends dans le sens mot prière, c'est dans le sens invocation, d'accord? Parce que le mot en français prière, d'accord? Quand on fait une doua, on dit en français, on a fait ça aussi une prière. Donc ils font une prière, ils invoquent autre qu'Allah, et ceux-là qui sont invoqués entre Allah, Allah je le dis, وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ أَشَفَرَ. Et ceux qui sont donc invoqués, priés, d'accord? À qui par ces gens-là, par ces mouchrikoun, min dunihi, en dehors de lui, d'Allah Azzawajal, il ne possède pas quoi? Ashafara, l'intercession. Il ne possède pas l'intercession. Illa, sauf. Ah, sauf qui? Man shahida bil haqqa. Sauf celui qui a témoigné par al haqq, la vérité. Et al haqq, c'est quoi? C'est la ilaha illallah. Celui qui a témoigné, qui a fait la shahada. Parce que shahada c'est le masdar du verbe shahida yashhadu shahadatan, sauf qu'il a témoigné bilhaq, c'est quoi? La ilaha illallah, wa hum ya'lamun. Et eux, ils savent, ils connaissent, ils savent ce que ça veut dire la ilaha illallah, et que leur cœur savent, ils ont que leur cœur connaissent véritablement le sens de la ilaha illallah, parce que leur langue ont prononcé. Mais il faut pas seulement que la langue soit le prononce, il faut que le cœur le sache. Ça, c'est une condition. Et je vous rappelle notamment ici le vers qu'on apprend par cœur pour ces sept conditions. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wa al-qabul ilaha. Une science, une certitude et une sincérité et ta véracité avec un amour ou une obéissance et son acceptation. Voilà. Donc nous allons continuer maintenant le texte de base du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah. Voilà, il a dit après. Allah est une condition pour que cette parole et Allah soit valide. Maintenant, comme il dit, wa minas sunnah et parmi la sunnah, donc sallam. Et an Othman radiallahu anhu. Donc le hadith qui est ferme, c'est-à-dire qu'il est, on le trouve bien le hadith. Indication, ça confirme notamment ce qu'on appelle le hadith, la terminologie du terme technique du hadith. Quand il dit fils sahih, dans le sahih, ça veut dire que ce hadith qui va venir, il est soit dans le Sahih Bukhari, soit dans le Sahih Muslim, ou soit dans les deux Sahih. Ça veut dire quoi? Et ce terme-là, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il l'utilise souvent, notamment dans son livre Kitab al-Tawhid, quand il dit le Sahih. Il faut savoir quand il dit le Sahih, l'authentique, et le livre authentique. Il veut dire quoi? Ça veut dire quoi ce terme-là? C'est-à-dire que ce hadith qui va venir, il est soit dans le Sahih de l'imam Bukhari, ou dans le Sahih de l'imam Muslim, ou dans les deux. Voilà, un Othman, deux Othman, le troisième khalifa, bien guidé, radiallahu anhu, il a dit, donc Othman a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah, dakhala al-jannah. Celui qui meurt et qui sait qu'il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah, rentrera au paradis. Ce hadith est dans, et je là vous donne l'indication, est dans le Sahih de Muslim, c'est le numéro 26. Et bien sûr, comme on a vu avant, le contraire de l'ilm, de la science, de la connaissance, c'est al-jahl, c'est l'ignorance. Wa marnaha, la pas de divinité, pas marboud, celui qui reçoit l'adoration, il n'y a pas d'adoré. Dans le sens adoration qu'on donne à une divinité, bien sûr, parce qu'en langue française, on peut dire, oh, j'adore cette nourriture, mais en fin de compte, le mot j'adore, c'est pas du tout le sens de abada qu'on a en arabe, c'est-à-dire qu'on aime beaucoup. D'accord? Donc, celui qui dit, oh, j'adore ce plat de nourriture, par exemple, il n'a pas fait de shirk, il n'a pas adoré autre qu'Allah, azawajal, parce qu'on sait très bien que cette personne-là veut dire qu'il aime beaucoup parmi les nourritures. Ça, c'est chaque langue a ses, comment dirais-je, à cette définition propre, d'accord? Donc là, si on, par exemple, si une personne dit, oh, j'aime beaucoup ce plat de nourriture, si je dois traduire sa phrase en arabe, je vais pas dire innani arboudou hazat moi j'adore arboudou cette nourriture. Elle n'a pas voulu dire ça en arabe. Je dirais innani uhibbu kathiran hazat moi j'aime beaucoup cette nourriture. Voilà, entre guillemets. Hein. Parce que étant donné que là je traduis en français, je parle en français, s'il y a surtout des mécréants qui nous écoutent, qui savent, quand là on emploie le mot adorer, c'est l'adoration, c'est-à-dire faire un acte d'adoration qu'on fait à une divinité. C'est pas le verbe adorer dans le sens aimer beaucoup. D'accord? Ensuite, nous allons lire, Inch'Allah, quelques versets. Mais avant, quand même, sur ce problème qui est de dire en langue française adorer quelque chose dans le sens aimer beaucoup, bien sûr, il convient, hein, surtout pour les musulmans qui sont vraiment, veulent en aucun cas tomber dans le shirk, dans le satanisme. Et donc, c'est éviter tous les pas qui peuvent y amener. On évite, hein, de dire cette parole, oh, j'adore cette nourriture, ou etc. Où on dit à une personne, oh, toi, je t'adore, dans le sens, je t'aime beaucoup, alors que bien sûr, ce n'est pas du shirk. Mais on s'éloigne de ce genre de parole qui peut, comment dirais-je, faire penser à d'autres personnes qu'en fin de compte, on adore dans le sens adoration, alors que ce n'est pas vrai. Donc, on évite, hein, on fait des efforts à ne plus employer ce genre de termes. Et par contre, quand il y a des personnes qui le disent, on comprend très bien quand ils disent j'adore cette nourriture, qu'ils ne se prosternent pas, c'est-à-dire qu'ils n'adorent pas, c'est-à-dire qu'ils ne l'approprient cette nourriture comme il a, comme divinité. D'accord? Notamment, justement, j'en profite par rapport à ce recueil de petites épîtres, pour bien expliquer le takfir, le takfir, on ne fait pas de takfir sur ça, bien entendu. D'accord? Celui qui va faire un takfir sur ça, il va. Malheureusement, se rendre plus ridicule qu'autre chose et faire plus de dégâts qu'autre chose. Hein. Bon, nous allons maintenant dans la sourate Zohruf, l'ornement. Je pense qu'il est entendu dans les. Je ne sais pas si je me rappelle plus si hein, dans les Corans en français ils traduisent par l'ornement, mais c'est en arabe on appelle ça Zohruf. Et nous commençons par le verset 26. Où Allah Ta'ala dit. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. Et lorsque Abraham a dit à son père et à son peuple, Innani, certes moi, baraun, est-ce qu'il veut dire bariun, je suis innocent, je me désavoue, je suis innocent, mimma ta'boudoun, de ce que vous adorez. D'accord? De tout ce que vous adorez, mais il va mettre une exception, comme on voit. Illa alladhi fatarani, sauf celui qui m'a créé. Fatara veut dire ici khalaqa. Fatara veut dire khalaqa. Illa alladhi fatarani, sauf celui qui m'a créé. Et c'est qui l'a créé? C'est Allah. Et Dieu avec un D majuscule, celui qui a créé les cieux et la terre, qui a envoyé les prophètes comme Moïse, Abraham, Jésus et Mohammed, alayhi mussalat wa salam. Voilà. Mais ici, nous voyons quoi? Dans ces deux versets, Ici, nous voyons en fin de compte l'explication du sens La ilaha illallah. Parce qu'Abraham, il a dit à son père, comme c'est marqué ici, et à son peuple, Innani bara ou mimma ta'boudoun. Moi, je suis innocent de ce que vous adorez. Et moi, vos idoles, vos adorés dans le sens auquel vous donnez de l'adoration, hein, eh bien, moi, j'en suis innocent. Donc, je ne le pratique pas. Et donc, je le renie. Illalladhi fatarani, et illallah. Sauf celui-là qui m'a créé. Donc, il leur a dit La ilaha illallah, mais avec une autre formule. D'accord? Donc là, le sens de ilah, comme on l'avait déjà vu à ça avant, ilah veut bien dire marboud. Et ici, bihaq. Marboud, bihaq. Quelque chose qui est adoré, qui reçoit l'adoration par droit. Il n'y a pas. Donc, il se désavoue de tout ce qu'on peut adorer. Donc là, qu'on a dit à son père et à son peuple, tout ce que vous adorez, ben moi j'en suis innocent. Je me désavoue de tout ce que vous adorez, sauf Allah Azzawajal, il a la vie fatarani. Et nous voyons aussi une chose très intéressante. Il n'a pas dit, ici, Abraham n'a pas dit à son peuple, sauf Allah, sauf Dieu, d'accord? Il a dit, sauf celui qui m'a créé. Et quand on réfléchit sur ceci, on s'aperçoit d'une chose. C'est qu'Abraham les a interpellés quelque part. Il aurait pu dire, sauf Allah. Bien sûr, ce n'est pas le mot, normalement, ce ne devait pas être le mot Allah qu'il devait utiliser, Allah Ta'ala, dans sa langue, s'il ne parlait pas arabe, Abraham. Là, ce n'est pas notre problème ici. Mais il a dit, sauf celui qui m'a créé. Ça implique quoi? En fin de compte, Abraham, ici, il a fait comprendre à son père, à son peuple, que moi, je n'adore seulement que celui qui m'a créé. Donc tout ce que vous adorez en dehors d'Allah n'a rien créé dans l'univers. D'accord? Ils n'ont pas de force ni de puissance. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a pas de force de puissance sauf par Allah Azzawajal. Donc il est venu avec le tawhid al-rububiyya. Mais où est-ce qu'il a mis le tawhid al-rububiyya? Après l'exception. Sauf celui qui m'a créé. Donc pourquoi? Parce que son peuple, son père, son peuple, savait et attestait qu'il n'y a que Allah Azzawajal qui a tout créé. Seulement eux, ils donnent l'adoration à autre. D'accord? Donc ils donnent leur adoration, ils adorent, ils prennent comme divinité des choses qui sont créées elles-mêmes et qui n'ont pas créé. D'accord? Et lui, il leur fait comprendre, par cette parole-là, qu'il convient que celui qui a tout créé, et bien sûr qui n'est pas créé, et que donc tout le reste est créé, eh bien, il n'y a que lui qui a le droit à l'adoration. Et c'est une manière vraiment très subtile et très intéressante, très bonne pour faire comprendre aux gens ceci. Et tout le Coran, tout le Coran, il est comme ça. Quand Allah Azzawajal, il parle du tawhid al-rububiyya, le tawhid de la seigneurie, c'est-à-dire que c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui sait tout, d'accord? C'est lui qui gère tout l'univers, tout ce qui se trouve sur terre et dans les cieux. C'est pourquoi? C'est pour prendre un argument aux gens, parce que ça, ils le reconnaissent, d'accord? Comme quoi, étant donné que celui qui fait tout ça, c'est à lui seul que revient l'adoration. Donc, pourquoi vous allez adorer des choses que moi j'ai créées? Vous comprenez? Allah Azzawajal, il s'adresse, il fait comprendre aux gens, les interpelle par leur aql, par leur compréhension, d'accord? C'est quelque chose qu'on va dire de logique. Ensuite, Allah Azzawajal dit, en faisant parler Abraham, فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. Et certes, c'est lui qui me guidera. Ensuite, Allah Azzawajal dit, وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Et alors, il a mis cette parole. Alors, cette parole-là, donc, de إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي. Moi, je suis innocent, je me désavoue. De tout ce que vous adorez, de tout ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé. Donc cette parole-là, Allah Azza wa Jalla dit qu'il a mis ça en une parole, baqiyatan, qui demeure, fi'aqibihi, dans sa suite, c'est-à-dire comment dire, dans sa suite, dans sa lignée. Ses enfants, ses petits-enfants, etc., continueront à dire ça. Et dans les tafsirs, vous trouvez que cette parole, c'est La ilaha illallah. Donc, ici, on voit très bien que le mot ilah, veut bien dire, il y a bien le sens de l'aribah de l'adoration qui rentre. Innani bara'un mimma ta'budun ila alladhi fatarani ta'budun. Donc, La na'bud illallah. Nahnu muwahhidun muslimun. La na'budu illa Allah azza wa jal, wa man abada ghayrahu fa huwa mushrikun akbar. Shirkan akbar. Kharidun fi nar idha lam yatum an hadha qabla mawtih. D'accord? Donc nous, les mouhidoun, les monothéismes, ceux qui pratiquent le monothéisme, véritablement, les musulmans, les soumis à Allah Azzawajal, nous n'adorons rien sauf Allah Ta'ala. D'accord? Et celui qui adore autre que lui, c'est un mouchrik, c'est un associateur, un polythéiste, du grand polythéiste. Et donc, s'il ne se repent pas avant sa mort, il ira en enfer éternellement et n'y sortira jamais. Voilà. Maintenant, inshallah, nous allons lire une parole de l'imam An-Nawawi, rahimahullah. An-Nawawi, connu, hein, celui qui a fait ce qu'on appelle l'Arba'in An-Nawawiyah, la quarantaine de hadiths, il y a 42 hadiths exactement, donc on ne dit pas les 40, mais la quarantaine, parce qu'il y en a 42. Imam An-Nawawi, rahimahullah, celui qui a écrit aussi Riyad al-Salihin, le jardin des saints, ou. Après la traduction suivant les traducteurs, ils ne traduisent pas comme ils veulent, d'accord? Riyad al-Salihin. Donc, il a dit dans l'explication du Sahih Muslim, qui est au hadith numéro 9, il a dit ceci. Donc, sachez aussi que l'imam An-Nawawi, rahimahullah, était un Shafiri, donc dans le fiqh, il suivait le mazhab Shafiri. Il a vécu avant le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et il était du Sham, d'ailleurs, il s'appelle An-Nawawi parce qu'il est né dans un petit village qui s'appelle Nawa, d'où son nom An-Nawawi, du Sham, donc de la région du Sham, c'est-à-dire cette région qui englobe, le Sham englobe la Syrie, le Liban, la Palestine et la Jordanie, et une petite partie du sud de la Turquie. Donc l'imam An-Nawawi, rahimahullah, a dit ceci dans le hadith numéro 9 du Sahih Muslim. « Amma l'ibadatu fahiyya ta'atu ma'a khudu'a » Donc là, il donne la définition de l'ibad, l'adoration. C'est quoi l'adoration? C'est ça. Fahiyat tar, c'est l'obéissance. Ma khudur, avec le khudur. On peut aussi traduire le mot khudur en arabe par el khushur. D'accord? La dévotion. D'accord? C'est-à-dire que faut que le cœur il soit dévolu. D'accord? C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement obéir par le corps. Et en fin de compte, le cœur n'est pas avec l'obéissance. Mais il faut aussi cette dévotion. Qui implique l'amour aussi. Voilà, ça aussi je dis ça parce que certains soufis aiment bien l'imam Nawawi, rahman, les soufis exagèrent, disent que l'adoration, non, c'est seulement l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour d'Allah, l'adoration, ben là, sachez donc que comme a dit l'imam Nawawi, rahman, l'ibada, c'est quoi? Fahiyat ta'a, c'est l'obéissance. Ma'a khudur, mais avec quoi? Khudur, d'accord? Ma'a khudur, avec une dévotion. D'accord? Et ça vient khushur, ça vient avant tout du cœur et qui doit bien sûr être interprété, qui doit se concrétiser par le corps. Contrairement à ce que disent les murji'a. Nous allons étudier, Inch'Allah, les catégories aussi de Al-Irja. Il y a plusieurs catégories. Généralement, quand je dis le mot murji'a, je vise principalement ce qu'on appelle murji'atul fuqaha. On verra ça, Inch'Allah. Ensuite, maintenant, là, nous allons lire quelques autres versets, Inch'Allah, la parole d'Allah Ta'ala. Et d'ailleurs, je vous incite à lire beaucoup de Coran et à en apprendre. Il faut toujours, hein, bien sûr, et surtout en arabe, parce que c'est en arabe, la parole d'Allah est en arabe, il a parlé en arabe, il a pas parlé en français dans le Coran, d'accord? C'est une traduction. En français, c'est la traduction. Celui qui veut lire la parole d'Allah, il faut qu'il la lise en arabe. Parce que sa dernière révélation était en arabe. La Torah n'était pas en arabe, était en hébreu. D'accord? Mais la dernière révélation était en arabe. Donc la parole d'Allah, si vous voulez exactement lire ce que Allah dit, exactement ce que lui-même a dit, c'est en arabe qu'il faut la lire. Donc toute la baraka se trouve dans la lecture du Coran en arabe. Comprenez ceci. Et nous allons dans la sourate Al-Hijr. Excusez-moi, je cherche. Sourate Al-Hijr, le verset 36. Voilà, oui. Donc, voilà, c'est le verset, excusez-moi, je vais chercher dans le Mousraf. Donc, comme قال الله تعالى, قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون. Voilà. Donc là, Allah nous cite, nous raconte ce qui s'est passé notamment avec Iblis, d'accord? Le shaitan, le Satan. Quand Iblis il est devenu mécréant, il a renié le fait qu'il devait se prosterner devant Adam, une prosternation, attention, de salutation, et non pas une prosternation d'adoration. Donc Allah Azzawajal, comment dirais-je, a bien mis en évidence comme quoi il avait fait de la mécréance, donc il est devenu mécréant par rapport à ceci. Et donc là, qu'est-ce qu'il a dit? Iblis a dit ça à Allah. Iblis, le Satan, a dit ça. Rabb, oh mon maître. Donc qu'est-ce qu'il reconnaît donc là, Iblis? C'est Iblis, hein. C'est le pire mécréant qui peut exister. Le pire mécréant qui peut exister, c'est Iblis, c'est le chef des Tawarit, hein, c'est le plus grand Tarout qui peut exister. Le Iblis même a dit, en s'adressant à Allahu Ta'ala, Rabbi, oh mon maître. Ça implique quoi? Ça veut dire que Iblis lui-même, il reconnaît le Tawhid Ar-Rububiyya. Il reconnaît comme quoi Allah, c'est le Rabb, c'est le maître, c'est-à-dire que c'est lui qui a tout créé, d'accord? Celui qui gère tout dans l'univers. Et après, il a dit, Anvirni ila yomi yub'athun. Patiente-moi, fais-moi patienter, donc c'est-à-dire ne me tue pas maintenant, d'accord? Jusqu'au jour où ils seront ressuscités. C'est pour ça que là, nous savons que Iblis ne mourra pas que quand viendra le jour de la résurrection. Donc si quelqu'un veut tuer Iblis, on sait qu'il ne pourra jamais y arriver parce que Allah donc, a accepté ceci et lui a dit, comme quoi, comme dans le verset après, il a dit, Allah lui a dit à Iblis, donc toi tu seras parmi ceux qui attendront, donc jusqu'au jour de la résurrection, il ne mourra pas. Voilà. Et il y a une hikma, une sagesse dans ceci. Parce que s'il n'y avait pas Iblis, s'il n'y avait pas tous les koufars, tout ça, il n'y aura pas d'épreuve. S'il n'y a pas d'épreuve, donc il n'y aura pas, comment dirais-je, toute cette hikam, toute cette sagesse qui peuvent en découler. On est ici pour être éprouvé sur Terre, d'accord? Voilà, donc ici nous revoyons quoi? Eh bien que la connaissance que Allah Azzawajal est le maître ne suffit pas à Iblis. Iblis reconnaît que Allah Azzawajal est le Rabb. Il a dit Rabbi, oh mon maître. Il a reconnu l'oubli, pourtant il est en enfer éternellement, et c'est le plus grand des mécréants, Iblis. Et cette connaissance de ceci, et il sait aussi que là, il n'y a pas de divinité par roi, sauf Allah Azawajel, et que lui, il fait tout pour par jalousie, par haine, il fait tout pour dévier le plus d'êtres humains, de djinns, de la religion d'Allah vers la religion de la mécréance, d'accord? Eh bien, cette connaissance qu'il a, eh bien, ne lui profite pas. C'est pour ça, comme je vous l'avais dit, il faut absolument les sept conditions pour que cette parole profite. Parce que la connaissance du La ilaha illallah, savoir qu'il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah, en elle-même ne suffit pas. Il faut toutes les autres conditions. Maintenant, dans la sourate Al-Hashr, nous allons dans le verset, excusez-moi, je cherche, dans le verset 16 et 17 de sourate Al-Hashr. Donc Allah Azzawajal a dit, كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ, comme l'exemple du shaitan, comme l'exemple du Satan, إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ, lorsqu'il dit à l'être humain, اُكْفُرْ, mécrois, devient kafir, devient mécréant, اُكْفُرْ. فَلَمَّا كَفَرْ, donc, et lorsque il devient mécréant, parce qu'il fait le couf, donc là l'être humain devient mécréant. Il dit, donc le Satan, le shaitan, qu'est-ce qu'il dit? Inni bari ou minka, inni akhafullah rabbal alamin. Donc il dit ça, le shaitan, une fois qu'il a fait dévier un être humain de la région d'Allah, donc il fait devenir mécréant, il dit ça à cette personne-là. Inni bari ou minka, je suis innocent, je me désavoue de toi. D'accord? Inni akhafullah. Moi j'ai peur d'Allah. Donc le shaitan, il a peur d'Allah. Rabb al-alamin, le Seigneur des univers. Il reconnaît le Rububiyya, le terme de Rububiyya d'Allah Ta'ala. Mais donc, il a une peur. Est-ce que. Excusez-moi. Donc, dans le shaitan ici, comme il est bien dans le verset. A peur. Est-ce que la peur est d'Allah Azzawajal? Donc, est-ce que la peur d'Allah azawajal suffit en elle-même pour être musulman, pour être croyant? Eh non! Comme le tawhid al-rubiyya, donc le fait de reconnaître qu'Allah azawajal, c'est lui qui a tout créé, ne suffit pas. Il ne faut pas faire de kufr, il ne faut pas faire de shirk akbar non plus. Voilà. Et comme Allah ta'ala dit après, dans le verset après, excusez-moi, fa kana annahuma finnar khalidain fiha. Et alors, ce qui a découlé de ceci, le résultat pour eux deux, que certes deux, bien que raqibatahuma c'est khabarkana, donc je vais plutôt traduire comme khabarkana aussi en français. Donc, alors qu'est-ce qu'il est advenu? Que ces deux-là, finnar, sont dans le feu, en enfer, Khalidain. Et que les deux, c'est qui les deux? Le shaitan qui a appelé cet être humain à mécroire, à devenir mécréant, et le shaitan, et l'être humain. Même si l'être humain dit, ah, oh, ben, j'ai pas compris, c'est l'autre qui m'a dit en erreur. Eh ben non, il fallait apprendre la religion d'Allah, tu as la capacité, tu as un racle, tu as une. Ah, subhanallah, comme on a déjà entendu le mot racle, c'est une raison, voilà, tu as une raison, tu peux faire des recherches et autres, et tu ne l'as pas fait. On reviendra dans ça avec notamment l'excuse de l'ignorance qui va venir, Inch'Allah. Donc ça c'est le dalil, c'est la preuve que ces deux-là sont en enfer. Celui qui appelle les gens à mécroire en Allah Azzawajal, même si lui, il ne pratique pas cette adoration avec Allah, même si en même temps il veut dire, moi je me désavoue, mais le fait qu'il ait fait ça, ça en fait un mécréant. Sauf bien sûr si après il se repent. Mais là, le shaitan ne s'est pas repenti, même s'il a peur de Allah Azzawajal, le Seigneur des univers, des mondes. Et ceci est donc la conséquence pour ces deux-là. Et ceci donc est la conséquence pour ces deux individus, le shaitan et l'être humain. Voilà. Donc, maintenant, nous allons lire dans la sourate Yusuf le verset 40, Inch'Allah. Donc Allah Azza wa Jalla dit: Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaytumuha antum wa aba'ukum. Ce que vous adorez en dehors de lui et en dehors d'Allah Azza wa Jalla, illa asma'. Ce ne sont que des noms. Samaytumuha antum wa aba'ukum. Que vous avez nommé vous et vos pères. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah n'a pas fait descendre pour ceci, pour ce nom-là, pour c'est ce que vous adorez en dehors d'Allah, min sultan, de preuves, d'arguments. Il n'y a pas de preuves pour ce que vous faites. Ensuite, Allah azawajal dit: Inil hukmu illa lillah. Et la loi n'est seulement qu'à Allah azawajal. Donc, la loi s'englobe tout ce que l'être humain peut croire, dire et parler. Ce verset, cette partie du verset qui est Inil hukmu illa lillah, certes, excusez-moi, parce que inhuma c'est nafia, c'est la négation, dans le sens Laysa al hukmu illa lillah, en français on va traduire par la loi n'est pas sauf Allah. Donc ça, la traduction française c'est un petit peu ça ne fait pas très bien parce que je vais essayer de traduire au plus proche possible du mot à mot, mais sinon on va traduire par la loi ne revient qu'à Allah azawajal. Innil hukmu illa lillah. Donc savoir dire que ceci a le droit de cela, cela revient à Allah azawajal de décréter ceci. Donc l'adoration à Allah azawajal a décrété, a donné comme sentence, a légiféré que l'adoration ira seulement à lui, et que celui qui adora autre qu'Allah Azzawajal ira en enfer éternellement. Ça, c'est la loi d'Allah Ta'ala, et bien sûr, ce verset englobe tout ce que Allah Azzawajal peut donner comme hukm, comme sentence, comme légifération. Ça englobe ce qu'on appelle aussi la charia, c'est dans le sens, c'est tout ce qu'on trouve dans les livres de fiqh. D'accord? Donc, comme par exemple que l'alcool est haram est interdit, le fait de faire des zina est interdit. C'est quoi faire des zina? C'est de faire de l'acte sexuel en dehors du mariage ou sans que la femme soit une femme esclave que l'on possède. Voilà. Ou autre chose, bien sûr, comme chose que Allah a légiféré. Ensuite, Allah Azzawajal dit juste après, Amara an la ta'budu illa iya. Et là aussi, on voit que Allah Azzawajal nous a donné la définition du mot la ilaha illallah en mettant le verbe abada, adorer, ibadatan, où il a dit Amara, il a ordonné, donc juste après de dire, juste après Allah, je l'ai dit, inni hukmu illa lillah. La loi ne revient que à Allah, la loi n'est que pour Allah. Juste après, il dit la première loi, c'est la première chose, la plus importante de toutes les lois, plus importante de ne pas boire d'alcool, parce que ceux qui boivent l'alcool, comme vous le savez, dans l'Ahl Sunnah Jumara, ceux qui boivent l'alcool, il n'est pas mécréant, il fait un péché, un grand péché, tant qu'il ne renie pas son interdiction, car s'il renie son interdiction, là, il devient mécréant parce qu'il a renié ce qui est dans le Coran, ça veut dire qu'en fin de compte, il dit que Allah a menti. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Voilà. Donc juste après, Allah dit la première loi, la première chose qui est primordial, c'est Amara. Il a ordonné, Allah a ordonné quoi? La ta'budu illa iya. Il a ordonné quoi? À ce que vous n'adorez pas, sauf lui. Donc, la ilaha illallah. Nous ne devons pas adorer, avoir de divinité autre que lui. Et donc, au lieu de dire la ilaha illallah, il a dit la ta'budu illa iya. Donc, ici, nous avons bien la définition du mot ila par la ta'budu. Ne vous n'adorez pas. D'accord? Donc, vous ne prenez pas de marboud, vous ne parlez pas d'adorer, de choses qui prennent d'adoration, illa iya, sauf lui, sauf Allah Azzawajal. Parce que, comme vous devez le savoir, certains soufis et autres catégories de gens qui faisant partie des gens de la bid'a disent que la ilaha illallah ne veut pas dire qu'il n'y a pas de divinité par Dieu, mais qu'il n'y a pas de créateur sauf Allah Azza wa Jalla, ce qui est totalement faux. Le fait de traduire, c'est le fait de dire que le sens de la ilaha illallah, c'est de dire ça. Parce que déjà, Allah Azza wa Jalla, donne la définition de la ilaha illallah comme ici, comme quoi c'est l'adoration, non pas la création, c'est pas la reconnaissance du tawhid al-rububiyya, mais c'est la reconnaissance du tawhid al-uluhiyya, tawhid al-ibada. Et que si la ilaha voulait dire il n'y a pas de créateur sauf Allah, alors pourquoi les Quraysh, qui étaient polythéistes, qui adoraient autre qu'Allah, Azzawajal, et qui reconnaissaient, comme c'est dans le Coran, qui reconnaissaient que Allah seul a tout créé, refusaient de dire la ilaha illallah. Donc nous voyons ici que le sens de dire de la ilaha illallah, c'est de dire la khaliq illallah ou la rab ou pas de seigneur sauf Allah. D'accord? Voilà, in salatahum man khalaqa as-samawati wal-ard la yakuluna Allah. C'est dans le Coran. Allah Azza wa Jalla dit à son prophète, et si tu leur demandes, si tu le questionnes aux polythéistes de Quraysh, qui c'est qui a créé les cieux et la terre, ils répondront quoi? Allah. Ils répondront Allah. Donc, les mouchékouns avaient ce qu'on appelle le tawhid al-rububiyya, mais seulement ils adoraient autre qu'Allah, et c'est ça qui les mettait mouchékoun kuffar, c'est qu'ils mettaient une adoration à autre qu'Allah azawaj, et ils refusaient de dire la ilaha illallah. Ils disaient non, cette parole-là, la ilaha illallah, c'est faux. Il y a plusieurs divinités par droit. D'accord? Et donc là aussi, nous avons le sens que la ilaha illallah, c'est la ma'bouda bihaq illallah. Ensuite, Allah azawaj a dit. Ceci est la religion droite. Mais la majorité des gens ne le savent pas. Et je demande à Allah Azzawajal qu'il nous mette parmi la minorité des gens qui savent cela et que Allah Azzawajal nous donne la science et nous augmente en science. Rabbi zidni ilma. Comme c'est dans le Coran. Et moi je dis Rabbi zidna ilma. Donc Allah, oh mon maître. Augmente-nous en science profitable et surtout avant tout le tawhid et son unification. Inch'Allah, je vais voir si nous allons lire un nouveau verset ici. Nous arrêtons ici, Inch'Allah, et nous continuerons dans le prochain cours, Inch'Allah, dans l'explication de ces sept, enfin surtout avant tout dans les preuves de ces sept conditions de la validation, que cette parole de la ilaha soit valide. Et nous terminerons notamment l'épreuve de la première condition qui est qui est l'ilm, la connaissance de la ilaha illallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayh.